bientôt la fin qui commence aujourd'hui. Et les heures, les minutes se demandent si on ne nous a pas grugé un bout de vie, ou si le temps est filou et c'est tout. C'est nous les Indiens, les Comanches, pardi, parce qu'on vit toujours à moitié nu. Il paraît que le monde se termine mardi, prolongeons la soirée au cas où. Et rattrapons un bout de nuit tant qu'il nous reste un peu de cheveux sur le front, même gris et tirant sur le bleu. Sur le bleu. Devant moi se pose un dilemme. Est-ce que je dois faire le tour de toutes les personnes que j'aime, ou bien faire le sourd? J'ai des choses à me faire pardonner, mais vous aussi les gars, plutôt d'y passer la soirée, évitons les dégâts. Comment faire pour unifier tous les contraires et pas faire de mes paradoxes des coups de poing sans gants de boxe? Je me prenais pas pour des rillettes et j'avais confondu l'oubli avec le pardon et l'accord. Je n'ai pas eu à moitié tort. Mais vous revoir tous réunis là, les vieux amis, les amis, mon amour et mes vieilles histoires, au fusain quand je broyais du noir, je me dis qu'on est bien tombé sur nos pâtés même sans radis. Vous avez des airs de miroir et ça me fait une sorte de fussoir. Des initiatives, je me dis que c'est pas mon jour, je n'aime pas la grande lessive. Mais putain, j'adore les tambours.